Chapitre 6. La mort de l'âne et du boa, entretien sur les serpents venimeux. Pendant trois longs jours d'angoisse, la crainte de notre redoutable voisin nous tenait comme assiégés dans notre demeure. Car je fis observer sévèrement ma défense, n'y manquant moi-même que dans le cas d'absolue nécessité, et alors même je ne m'éloignais que de quelques centaines de pas. Cependant l'ennemi ne donnait pas le moindre signe de sa présence, et l'on aurait pu croire qu'il avait quitté sa retraite, si nos oies et nos canards, qui avaient établi leur demeure dans l'étang, ne nous eussent donné des annonces trop fidèles de son terrible voisinage. Tous les soirs, lorsque ces paisibles animaux regagnaient le logis, après leur excursion sur la mer et sur les côtes voisines, nous les voyions planer longtemps au-dessus de leur ancienne demeure, témoignant par leurs cris et le battement de leurs ailes une agitation inaccoutumée. Enfin, après avoir longtemps voltigé au-dessus de la baie du Salut, ils allaient prendre gîte dans l'île des Poissons. Mon embarras augmentait de jour en jour. L'ennemi, retiré sous d'épaisses broussailles et au centre d'un terrain marécageux, était trop bien à l'abri de nos coups pour que je pusse me décider à courir le risque d'une attaque. Mais d'un autre côté, il n'était pas moins cruel de demeurer ainsi dans une captivité funeste à nos occupations et réduit, pour ainsi dire, aux travaux du logis. Au moment où la position commençait à devenir critique, notre vieil âne nous tira d'embarras par un de ces traits de pétulance aveugle, caractéristiques de sa race, et qui lui laissait peu de prétentions à la gloire attribuée dans les premiers temps aux oies intelligentes du Capitole. Notre petite provision de fourrage se trouva épuisée le soir du troisième jour, et nous dûmes songer à la nourriture du bétail pendant les jours suivants. N'osant pas nous rendre au magasin à foin, il fallait, bon gré mal gré, se résoudre à lâcher les animaux afin qu'ils pourvussent eux-mêmes à leur nourriture. Pour échapper aux attaques du serpent, j'avais résolu d'éviter la route ordinaire et de faire descendre le bétail jusqu'à la source du ruisseau du Chacal, parce que cet endroit, ne pouvant s'apercevoir de l'étang, était le moins exposé aux poursuites de notre ennemi. En conséquence de ce plan, aussitôt après notre déjeuner, la quatrième matinée de notre captivité, nous attachâmes nos bêtes à la queue l'une de l'autre, et Fritz, comme le plus brave de la garnison, fut chargé de monter le nagre et de tenir la première bête par le licol, jusqu'à ce que tout le troupeau eût défilé devant lui. À la moindre apparition de l'ennemi, il avait l'ordre de prendre bravement la fuite et à tout hasard de se réfugier à Falconhorst. Le reste de la garnison fut disposé sur la plateforme afin de tirer à travers les palissades si le monstre faisait mine de sortir de sa retraite et de se diriger vers le ruisseau. Quant à moi, je choisis un endroit avancé d'où je pouvais tout voir sans être vu et me retirer à temps pour prendre part à la décharge générale, car j'espérais être plus heureux cette fois que dans notre première attaque. Avant de m'établir à mon poste, j'eus soin de faire charger toutes les armes à balles et d'attacher le bétail dans l'ordre convenu. Par malheur, ces dispositions prirent un peu de temps, et ma femme ouvrit la porte un instant trop tôt. À ce moment, le vieux grison fut pris, bien mal à propos, d'une ardeur dont je l'aurais cru incapable depuis de longues années. Ranimé par trois jours de repos et de nourriture abondante, il se délivra brusquement de son licol et en deux sauts se trouva au milieu de la cour. Pendant quelques minutes, le spectacle ne fut que plaisant. Mais lorsque Fritz, déjà en selle, voulut ramener le rebelle dans les rangs, celui-ci trouva tant de douceur dans la liberté qu'il prit le large sans plus de cérémonie en se dirigeant au galop vers l'étang aux oies. Nous commençâmes par l'appeler par son nom, mais Fritz, s'étant élancé à sa poursuite, je n'eus que le temps de le rappeler à grands cris, car au moment où l'âne arriva dans le voisinage des roseaux, nous aperçûmes avec effroi l'énorme boa se mettre en mouvement. Tandis que notre pauvre fugitif, se croyant à l'abri de toute poursuite, faisait retentir les rochers de son cri de triomphe, le monstre s'élança comme un trait sur sa proie sans défense, l'entoura de ses replis, en évitant prudemment les ruades furieuses de l'animal. À cette vue, la mère et les enfants se rassemblèrent autour de moi en poussant un cri d'horreur. et nous contemplâmes avec compassion la triste catastrophe de nos pauvres vieux serviteurs. « Mes enfants, » murmuraient à mes oreilles, « faisons feu, courons au secours de l'âne. » Mais j'apaisais leur ardeur guerrière par ces paroles. « Hélas, mes chers enfants, nous n'y gagnerons rien. Le monstre paraît assez occupé de sa proie pour ne pas avoir entendu nos cris. Mais qui nous garantit qu'à la moindre attaque, il ne va pas tourner contre nous toute sa fureur? Puisque nous ne pouvons sauver notre pauvre fugitif, il vaut mieux demeurer dans notre retraite. Car une fois que le serpent aura commencé à engloutir sa proie, nous trouverons bien moyen de l'attaquer sans danger. Jack, mais comment ce vilain animal pourra-t-il avaler l'âne d'une seule bouchée? Ce serait monstrueux. Moi, les serpents n'ont pas de dents mâchelières pour broyer leur proie. Comment se nourrirait-il s'il ne l'engloutissait tout entière à la fois? Franz, mais comment le serpent fait-il pour détacher la chair des animaux dont il se nourrit? Et cette espèce de serpent est-elle venimeuse? Moi, non, mon enfant, mais elle n'en est pas moins terrible. Quant à la chair, il ne s'occupe pas à la détacher des os. Il engloutit la peau et le poil, la chair et les os, et son estomac possède assez de vigueur pour tout digérer. Ernest, il me semble impossible aussi que le serpent puisse engloutir l'âne avec ses os. Fritz, regardez-le donc maintenant. Il presse sa proie à moitié morte dans ses terribles anneaux et la broie dans ses replis jusqu'à en faire une espèce de bouillie. Et maintenant, il va l'avaler sans beaucoup plus de difficulté qu'un morceau de pain. Ma femme, je n'assisterai pas plus longtemps aux préparatifs de cet horrible repas et j'emmènerai Franz avec moi afin d'épargner à son jeune cœur les détails d'un si cruel spectacle. Je ne fus pas fâchée de leur départ, car le drame commençait à devenir si affreux que j'avais peine à le supporter moi-même. Tout ce que Fritz avait annoncé s'accomplit avec la lenteur naturelle à ces terribles animaux. Enfin, la victime cessa de se débattre et expira après de courtes convulsions. Mais le monstre ne lâcha pas sa proie, dont il commença à broyer les os avec un bruit sinistre. Bientôt, il ne resta plus de reconnaissable que la tête de l'âne sanglante et défigurée. Alors commença la seconde partie de ce terrible spectacle. Le serpent, après avoir enduit sa proie de cette bave épaisse qui découle abondamment de ses lèvres, s'étendit dans toute sa longueur et se mit en devoir d'engloutir les membres inférieurs, et bientôt l'animal tout entier disparut dans son vaste estomac. Cette scène avait duré depuis 7 heures du matin jusque vers midi. Mon principal but, en y assistant jusqu'au bout, avait été d'attendre le moment favorable à l'attaque et d'aguerrir l'esprit de mes enfants contre un si terrible spectacle. Le moment si longtemps attendu était enfin arrivé et je m'écriai avec une joyeuse émotion. « En avant, camarades, rendons-nous maîtres du monstre. Il est maintenant sans défense. » À ces mots, je m'élançai le premier, mon fusil à la main. Fritz me suivait pas à pas. Jack demeura quelques pas en arrière, trahissant une appréhension bien pardonnable. Quant à Ernest, il resta prudemment dans l'intérieur des retranchements, sage précaution que je me proposais de lui reprocher plus tard. Lorsque je me trouvai proche de l'ennemi, je tremblais en croyant le reconnaître pour un véritable boa. Son immobilité contrastait avec la manière terrible dont il roulait ses yeux étincelants. Je lui lâchai mon cou à environ 20 pas. Fritz fit feu à mon exemple. Les 2 balles avaient traversé le crâne de l'animal. Les yeux flamboyèrent, mais le corps demeura immobile comme auparavant. Nous nous hâtâmes d'achever le monstre avec nos pistolets, et bientôt il resta étendu sans mouvement. Nos cris de triomphe attirèrent bientôt le reste de la famille sur la scène du combat. Ernest fut le premier à paraître. Il fut bientôt suivi de Franz et de sa mère, qui nous reprocha doucement notre joie féroce, comparant nos cris aux hurlements des sauvages du Canada au retour d'une de leurs expéditions. Moi, je suis fâchée, ma chère, que notre victoire vous inspire de si fâcheuses pensées. Mais la défaite de notre ennemi valait bien un cri de victoire. Remercions Dieu qui nous a délivrés de ce fléau. Fritz, je peux avouer maintenant que je n'étais guère à mon aise pendant le temps que notre captivité a duré. Je commence à respirer à cette heure. Mais je n'oublierai pas que nous devons notre délivrance à l'accès subit d'indépendance de notre pauvre grison, offert en sacrifice pour le salut de tous. Ernest, c'est ainsi que dans ce monde le vice même peut devenir la source du bien. Franz, en attendant, je regrette notre pauvre âne de tout mon cœur, et je pleurerai volontiers en pensant qu'il est perdu pour toujours. Ma femme, hélas, mon cher enfant, nous plaignons tous le sort du pauvre animal. Mais remercions Dieu qui a permis que le sacrifice de sa vie en racheta peut-être une plus précieuse. Moi. Maintenant, mes chers enfants, que ferons-nous du serpent? Fritz, je viens de le mesurer. Je lui ai trouvé 35 pieds de long et il est de la grosseur d'un homme ordinaire. Franz, mais ne pourrions-nous pas manger la chair du serpent? Voilà de la viande pour 15 jours. Tous, fuis donc. Fritz, nous pouvons l'empailler et le garder comme une curiosité. Jack, plaçons-le devant la maison, la gueule béante, afin d'effrayer les cannibales qui seraient tentés de nous attaquer. Fritz, Ouida, afin qu'il devienne un épouvantail pour nos animaux. Pour moi, je suis d'avis qu'on place cette merveille dans notre salle d'histoire naturelle. Moi, pourquoi plaisanter notre musée naissant? Toutes les collections qui commencent sont d'abord pauvres et incomplètes. Ma femme, Franz parle de manger la chair du serpent. Mais n'est-elle pas venimeuse, comme celle des autres animaux de cette espèce? Moi. En premier lieu, le boa n'est pas venimeux. Puis la chair des serpents venimeux n'offre aucun danger. Les sauvages n'hésitent pas à se nourrir de la chair des animaux qu'ils ont tués avec des flèches empoisonnées. Les cochons et les animaux de cette espèce mangent les serpents venimeux sans aucun inconvénient. Fritz. Comment peut-on distinguer les serpents venimeux de ceux qui ne le sont pas? Moi. On les reconnaît à leurs dents. Que l'animal montre aussitôt qu'il redoute un danger. Ses dents sont creuses, mais si dures et si pointues qu'elles traversent sans peine une chaussure de cuir. Au-dessous de chaque dent se trouve une vésicule remplie de venin qui s'ouvre à la moindre pression et laisse échapper une partie de son contenu par l'ouverture de la dent. Alors le venin se répand dans la blessure et bientôt, mêlé à la masse du sang, il produit des accidents plus ou moins graves et souvent une mort instantanée. Un autre signe caractéristique du serpent venimeux, c'est sa tête large, aplatie et presque en forme de cœur. Fritz, quelles sont les espèces de serpents venimeux dans les contrées que nous habitons? Moi, l'énumération de ces espèces entraînerait à trop de détails. Les principales sont le serpent à sonnette et le serpent à lunettes. Franz, c'est la première fois que j'entends parler de serpents à lunettes. Les portent-ils sur le nez comme les hommes? Moi, sur le nez, non. Mais sur le dos, ce qui est encore plus bizarre. Chez cet animal, la peau du cou et de la poitrine possède à un tel point la faculté de se dilater que lorsque le serpent est irrité, elle se gonfle comme une petite voile. Du reste, cette espèce est très agile et douée d'un goût tout à fait prononcé pour la danse. Jack, ah pour le coup, cher papa, vous voulez plaisanter. Comment peut-on danser sans jambes? Moi, je ne plaisante pas. Les jongleurs indiens connaissent le moyen de faire danser les serpents à lunettes au son de leur misérable musique. L'animal se dresse et les balancements de son corps suivent la mesure de l'instrument. Ces jongleurs font un secret de leur art. Mais on a découvert des plantes dont l'odeur agit sur les serpents de manière à leur ôter toute malignité et souvent même tout sentiment. Il est vraisemblable que ces serpents apprivoisés n'ont plus leurs dents venimeuses, quoique plusieurs voyageurs soutiennent le contraire. Ernest. N'y a-t-il pas des serpents qu'on appelle fascinateurs? Moi, on a attribué au serpent à sonnette une puissance fascinatrice. On prétend que la fixité de son regard attire sa proie avec un pouvoir tellement irrésistible qu'elle vient elle-même se livrer à la gueule béante de son ennemi. Fritz, que doit-on faire contre la morsure des serpents à sonnette? Moi, cet accident est rare parce que les mouvements de cet animal sont lents toutes les fois qu'il n'est ni menacé ni blessé. Mais si par malheur il arrivait à l'un de vous d'être mordu, le meilleur moyen serait d'enlever sur le champ toute la partie blessée ou de cautériser la plaie avec une charge ou deux de poudre. On peut encore laver la plaie avec de l'eau salée et la cautériser avec un fer rouge. Mais comme l'efficacité de ce dernier remède n'est pas connue, je vous engage à vous en tenir aux deux premiers. Chapitre 7. Le boa empaillé, la terre à foulon, la grotte de cristal. L'entretien précédent avait rempli les premières heures qui suivirent notre délivrance. Il était temps de s'occuper du monstre abattu. Ma femme fut chargée avec Fritz et Jack, d'aller chercher quelques provisions et d'amener notre couple de jeunes bœufs, tandis que je restais à la garde du corps avec Ernest et Franz, de peur qu'il ne devînt la proie des oiseaux ou des bêtes féroces. Afin de punir Ernest de son excès de prudence dans l'affaire du boa, je le condamnai à composer une épitaphe pour l'âne mort. Mon petit poète prit la chose au sérieux, et après être demeuré 10 grandes minutes dans le recueillement, il se leva tout à coup, comme Pythagore après la découverte d'un problème, et s'écria « Voici mon épitaphe, mais il n'en faut pas rire surtout. » Alors il nous récita les vers suivants, avec la rougeur modeste d'un débutant. « Ici gît un pauvre âne, hélas, qui, pour avoir été rebelle, mourut du plus affreux trépas. Mais du moins par sa fin cruelle, il préserva d'un triste sort un père, une mère et leurs 4 enfants naufragés sur ce bord. « Bravo !» m'écriai-je. « Voilà des vers dont le dernier peut compter pour 2 au moins, et ce sont probablement les meilleurs qui aient été composés dans cette île. » À peine avais-je achevé de les inscrire sur le rocher qui devait servir de tombeau à la victime, que nos pourvoyeurs revinrent avec leurs provisions et l'attelage demandé. Nous nous mîmes à l'œuvre. Les bœufs furent attelés tant bien que mal à la queue du boa que nous transportâmes jusqu'à l'entrée de la grotte aux selles, en ayant soin de soutenir la tête de peur qu'elle ne fût endommagée par les broussailles. « Maintenant, comment nous y prendrons-nous pour écorcher l'animal ? » me demanda-t-on de toutes parts. « Moi, l'un de vous va monter sur le serpent et lui enfoncer le couteau dans le cou, de manière que la lame le traverse de part en part. Ensuite, il appuiera sur le manche, tandis que nous autres nous élèverons le corps de l'animal. Ernest, nous aurons bien encore à faire avant d'être venus à bout de notre entreprise. Moi, je viens de songer à un nouveau moyen qui va peut-être nous réussir. Que l'un de vous détache la peau du cou dans toute son étendue. Nous partagerons ensuite les vertèbres avec la hache et le couteau. Lorsque le tronc sera séparé de la tête, vous salerez la peau et vous la couvrirez de cendres. Et quant au crâne, nous le disséquerons aussi bien que possible. Ensuite, vous étendrez la peau au soleil, et ce sera une pièce d'anatomie qui fera honneur à votre cabinet. Fritz, à vous entendre, mon cher père, on dirait que la besogne va se faire d'elle-même. Mais je vois que l'opération n'est pas si facile, car si nous ne détachons pas la peau avec la plus grande précaution, nous ne l'aurons que par lambeaux, et alors, adieu la pièce anatomique. Moi, où la force est inutile, il faut que l'intelligence supplée. Vous aurez double satisfaction à avoir accompli sans moi une opération si difficile. » On se passa donc de ma coopération active, quoique les travailleurs reçussent avec reconnaissance mes avis et mes exhortations. Il se passa encore un jour avant que le serpent fût empaillé, et je finis par y mettre assez volontiers la main afin d'en faire un monument qui pût nous procurer autant d'honneur qu'il nous avait coûté de peine. Afin de m'assurer que ce monstre était le seul de son espèce dans le voisinage, je résolus d'entreprendre 2 excursions, l'une du côté de l'étang aux oies, l'autre sur le chemin de Falkenhorst, d'où nous était arrivé ce redoutable ennemi. Jack et Ernest, ayant témoigné de la répugnance à m'accompagner, je ne crus pas devoir tolérer cet exemple, qui me semblait dangereux pour l'avenir. « Mes enfants, leur dis-je, la constance et la fermeté ne sont pas des qualités moins nécessaires que le courage aveugle du moment, qui souvent n'est que l'effet du désespoir. Si le boa eût laissé de ses petits dans l'étang, il pourrait un jour tomber sur notre demeure comme celui d'hier et nous faire repentir de notre lâcheté. » Après de longues et minutieuses recherches dans les roseaux de l'étang, nous eûmes la joie de nous assurer qu'il n'existait aucune trace, ni d'eux, ni de petits. La place même occupée par le redoutable hôte de l'étang n'était reconnaissable qu'aux herbes foulées qui conservaient la forme d'une espèce de nid. Au moment où nous allions reprendre le chemin de l'habitation, nous découvrîmes l'entrée d'une grotte qui s'avançait d'une 20 pas dans le flanc du rocher et qui donnait passage à un ruisseau clair et limpide. La voûte de la grotte était tapissée de stalactites, des formes les plus riches et les plus variées. Le sol était recouvert d'une couche de sable fin et blanc comme la neige que je reconnus à ma grande satisfaction pour d'excellentes terres à foulons. Nous nous hâtâmes d'en prendre un échantillon et je m'écriai. « Voici une bonne nouvelle pour votre mère, qui ne se plaindra plus de la saleté de vos vêtements, car nous lui rapportons du savon pour les laver, et me voilà délivré pour longtemps de l'interminable travail du four à chaud. Fritz, Est-ce qu'on emploie la chaux dans la préparation du savon? Moi, les cendres lavées qui entrent dans la composition du savon ont besoin de recevoir un mélange d'eau et de chaux. C'est ce mélange qui forme le savon ordinaire, après avoir été augmenté d'une certaine dose d'huile ou de saindoux. Mais pour obtenir le savon à meilleur compte, on a imaginé de se servir d'une terre savonneuse appelée terre à foulon, parce que son emploi est d'un très grand avantage dans le foulage des laines. Dans ce moment, Fritz va nous avertir que la grotte paraissait aller en s'élargissant et se terminait par une profonde excavation. Après avoir allumé deux flambeaux pour éclairer notre marche, nous commençâmes à avancer avec la plus grande circonspection. Bientôt, Fritz s'écria avec l'expression du ravissement. « Ah, cher père, c'est une nouvelle grotte au sel. Le vois-tu briller comme du cristal sur le sol et les murailles ?»« Moi, ce ne sont pas des cristallisations salines, car l'eau coule sur elles sans s'altérer et sans changer de goût. Je crois plutôt que nous sommes dans une grotte remplie de cristal de roche, car le lieu et le sol sont des plus favorables. Fritz, à tout hasard, je vais en détacher un morceau pour nous tirer d'incertitude. Oui, c'est bien du cristal de roche, mais il a perdu sa transparence. Moi, il faut s'en prendre à la maladresse de l'ouvrier qui l'a détaché sans précaution. Il fallait creuser sa base et l'ébranler à coups de marteau jusqu'à ce qu'elle tombât d'elle-même. Fritz, je vois que de toute notre belle découverte, nous ne pourrons pas rapporter un seul échantillon. Moi, vraiment non, mais aussi personne ne pourra nous enlever facilement notre trésor. Et plus tard, si le ciel nous envoie la visite de quelques navires européens, nous pourrons faire marcher avec le capitaine qui se chargera de l'exploitation. Pendant cet entretien, nous avions fini d'explorer la grotte dans tous les sens et je jugeais qu'il était temps d'aller retrouver la lumière du jour, d'autant plus que nos flambeaux tiraient à leur fin. En sortant de la grotte, nous aperçûmes avec étonnement le pauvre Jack assis à l'entrée et tout en pleurs. À ma voix, il se leva et s'élança vers nous avec un visage qui hésitait entre le rire et les larmes. « Moi, qu'as-tu donc, mon enfant, à rire et à pleurer ainsi en même temps ?»« Jack, c'est la joie de vous revoir vivant. Je vous ai cru enseveli sans ressources sous cette affreuse montagne. Je l'ai entendu mugir à deux reprises et trembler dans ses fondements, comme si elle allait s'écrouler tout entière. Moi, c'est bien, tu es un bon enfant de trembler ainsi pour nous. Seulement l'affreux tonnerre qui t'a si fort effrayé n'était que le bruit de deux coups de feu que nous avons tirés pour purifier l'air. » Jack se montra d'abord un peu incrédule, mais il s'apaisa bientôt à la vue de l'incomparable morceau de cristal que Fritz rapportait en triomphe. Laissant les deux enfants interroger et raconter, je me mis en marche vers les bords de l'étang où nous rencontrâmes bientôt Ernest à la place qu'il n'avait pas quittée. En rentrant, je commençai par faire ranger les nouvelles acquisitions selon l'ordre habituel et le reste du jour se passa à désennuyer les gardiens du logis par le récit de nos recherches et de nos aventures. Chapitre 8. Voyage à l'écluse, le cabiais, l'ondatra, la civette et le musc, la cannelle. Depuis l'aventure du boa, j'avais pris la résolution de chercher s'il ne serait pas possible de prévenir de pareilles attaques à l'avenir en fortifiant l'endroit par où il était entré dans nos domaines. L'expédition projetée ayant reçu l'approbation générale, nous commençâmes nos préparatifs avec la plus grande ardeur. Comme il s'agissait d'une absence de 15 jours, je fis préparer les provisions et les munitions en conséquence. La tente de voyage fut mise en état et le chariot chargé de tout ce que notre prévoyance put réunir. Jamais entreprise ne nous avait occupé aussi sérieusement que celle-ci. Lorsque l'heure du départ fut arrivée, la mère prit place sur le chariot et Jack et Franz leur poste accoutumé sur le dos de notre paisible attelage. Fritz et sa monture furent chargés de former l'avant-garde. Ernest et moi nous restâmes à l'escorte du chariot. Les quatre chiens protégeaient les flancs de la caravane. Les traces récentes du boa nous guidèrent jusque dans les environs de Falkenhorst. Après avoir mis la volaille et le bétail en liberté selon notre habitude, afin de les laisser pourvoir à leur nourriture, nous continuâmes notre route vers la métairie où nous avions l'intention de passer la nuit. Le silence général n'était interrompu que par le chant aigu du coq et le bêlement plaintif des brebis. En approchant de notre petite métairie, nous vîmes que tout était en ordre, comme si nous l'eussions quitté la veille. J'avais résolu de passer le reste du jour dans cet endroit délicieux, et tandis que la mère s'occupait du repas, nous nous dispersâmes dans les environs pour achever la récolte du coton. Après le repas, nous nous levâmes pour aller faire une reconnaissance. Alors je pris Franz pour compagnon et je lui confiai pour la première fois une petite carabine avec de minutieuses instructions sur son usage. Nous suivîmes la rive gauche du lac des Cygnes, tandis que Fritz et Jack allaient explorer la rive droite. Fritz était accompagné de Turc et de son chacal. J'avais gardé près de moi les deux jeunes chiens danois dont la force et la fidélité étaient à toute épreuve. Nous longions lentement les bords du lac à une certaine distance, contemplant avec une vive curiosité les troupes de cygnes noirs qui se jouaient à la surface. Franz n'était pas peu impatient de faire son coup d'essai et de devenir enfin utile à la communauté. Tout à coup, nous entendîmes sortir des roseaux une voix mugissante qui ne ressemblait pas mal au cri d'un âne. Je m'étais arrêté avec étonnement, cherchant d'où pouvait venir cette musique, lorsque Franz s'écria « C'est probablement notre ânon qui nous a suivis jusqu'ici. » Moi, il faudrait qu'il eût pris son vol à travers les airs pour se trouver ainsi devant nous, sans avoir donné signe de son passage. Je crois plutôt que c'est un butor des lacs. Franz, papa, qu'est-ce que c'est que le butor? Est-ce un oiseau? Et comment son cri est-il si éclatant? Moi, le butor est une espèce de héron, dont la chair est aussi maigre et aussi coriace que celle de ce dernier. Son cri lui a fait donner le surnom de bœuf des eaux, ou bœuf des étangs. Il ne faut pas oublier que le cri des animaux ne dépend pas de leur grosseur, mais de la conformation de leurs poumons et de leur gosier. Ainsi, tu connais le chant bruyant du rossignol et du serin des canaris, qui ne sont pourtant que de bien petits oiseaux. Franz. Ah, papa, j'aurais bien du plaisir à tirer un butor. Si la chair n'est pas bonne à manger, du moins c'est un animal rare et qui fera honneur à mon premier coup de fusil. Pour céder à son désir, j'appelai les chiens et les lâchai vers l'endroit indiqué, tandis que Franz, l'arme appuyée contre son épaule, attendait le moment favorable. Le coup partit et j'entendis un cri de triomphe. « Qu'est-ce ? » demandai-je au chasseur à une certaine distance. « Un agouti, » répondit-il, « mais plus gros que celui de Fritz. » M'étant approché de lui, j'aperçus en effet un animal qui avait quelque rapport avec un jeune cochon et que je crus reconnaître pour le cabiais ou cavia capybara. Franz ne se sentait pas de joie d'avoir si bien réussi. Et pourtant je lui dois cette justice qu'il ne vanta trop ni son adresse ni la valeur de son gibier. À ses questions répétées sur le nom de l'animal, je répondis que cette espèce était rare dans nos pays et qu'elle rentrait dans la classe de l'agouti et du paca. En même temps, je lui fis remarquer les pieds palmés de l'animal qui lui permettaient de nager et de plonger pendant des heures entières. J'ajoutai que sa chair est bonne à manger, circonstance qui rehaussait encore l'importance de la capture. Mais lorsque s'éleva l'importante question de savoir ce que nous allions faire de notre prise, Franz se trouva fort embarrassé, car ses forces ne lui permettaient pas de l'emporter, et il ne pouvait se résoudre à l'abandonner. Après de longues réflexions, je le vis sauter avec joie en s'écriant « Je sais ce qu'il faut faire, nous allons écorcher l'animal et je pourrai du moins l'emporter jusqu'à la ferme. » Moi, vois mon enfant par cet exemple combien les joies de ce monde sont fugitives et comme le plaisir est suivi du regret. Si tu n'avais pas eu le plaisir de la chasse, tu poursuivrais maintenant ta route gaiement et sans souci. C'est ainsi que dans ce monde, la pauvreté a son charme et la richesse ses inconvénients. Au bout de quelques pas, Franz recommença à soupirer et finit par s'écrier. Je vais attacher mon gibier sur le dos du chien, il me le portera bien jusque là-bas. Moi, voilà une idée qui vient à propos pour nous tirer d'embarras. Nous ne fûmes pas longtemps avant d'entrer dans le petit bois de pins et bientôt nous arrivâmes à la ferme sans avoir trouvé la moindre trace de serpent. Avant de rentrer, nous avions eu l'occasion de tirer sur deux éclaireurs d'une bande de singes et j'acquis la triste certitude que les déprédateurs rôdaient depuis peu dans les environs de notre colonie. À notre arrivée, nous trouvâmes Ernest au milieu d'une bande de gros rats dont il achevait l'extermination. Je demandai avec surprise d'où étaient tombés ces nouveaux ennemis. « Ernest et moi, dit la mère, nous étions entrés dans la rizière pour faire notre récolte d'épis, lorsque le singe qui nous avait suivis avec sa corbeille quitta brusquement la digue pour s'élancer sur un objet qui s'était réfugié dans un trou voisin. Ernest, auquel ce mouvement avait échappé, fut tiré tout à coup de ses réflexions par un cri plaintif suivi d'une agitation extraordinaire et d'un cliquetis de dents vraiment formidable. Ernest, je m'élançai sur les traces de mon singe pour découvrir le motif de sa brusque disparition, et je le vis bientôt aux prises avec un énorme rat qui faisait de vains efforts pour lui échapper. Mon premier mouvement fut de lever mon bâton sur cet ennemi de nouvelle espèce et de l'étendre mort à nos pieds. À l'instant même, plus d'une douzaine de gros rats me sautèrent aux jambes et au visage, mais je m'en débarrassai bientôt comme du premier. Je me mis alors à examiner leur demeure, construite en forme de cylindre et formée de limons, de paille de riz et de feuilles de roseau, rassemblées avec beaucoup d'industrie. Moi, mais mon cher Ernest, quel motif de haine pouvais-tu donc avoir contre ces pauvres rats pour leur faire une guerre si acharnée? Ernest, au premier moment, j'ai pensé qu'ils pouvaient être nuisibles à notre plantation, et ensuite j'ai combattu pour me défendre. Moi, c'est bien, pourvu que cette humeur meurtrière s'arrête à la destruction des rats. Maintenant, conduis-nous à la retraite de tes ennemis, afin que nous puissions l'examiner à notre aise. Nous le suivîmes jusque-là, et à mon grand étonnement, j'aperçus, en effet, une sorte de hutte semblable à celle des castors, quoique sur une moindre échelle. Il paraît, dis-je à Ernest, que les castors ont ici leurs représentants. Je croyais cependant que, comme les castors, cet animal n'habitait que les contrées septentrionales. Ernest, comment? Quel représentant? Moi, je veux parler de tes ennemis les rats, si ces merveilleuses constructions sont leur ouvrage. Dans ce cas, ce sont des rats castors, ainsi nommés à cause de leur ressemblance avec ces derniers sous le rapport des mœurs et de l'industrie. On appelle aussi cet animal Ondatra. C'est peut-être le nom qu'il porte dans l'Amérique du Nord, sa patrie. Les morts nous fourniront d'excellentes fourrures. Ernest, qu'avons-nous besoin de fourrures dans un pays aussi chaud? Moi, ne peuvent-elles pas nous servir à faire des chapeaux de castor lorsque nos chapeaux de feutre seront hors de service? Ernest, c'est une excellente idée. De cette manière, j'aurai fait une action utile à toute la colonie. En retournant auprès de ma femme, qui était occupée des préparatifs du repas, nous retrouvâmes Fritz et Jack revenus de leur expédition sans avoir fait aucune mauvaise rencontre. Jack avait rapporté dans son chapeau une douzaine d'œufs enveloppés dans une espèce de pellicule, et Fritz nous montra dans sa gibecière un coq et une poule de bruyère. « Moi, j'espère que tu n'as pas tué la couveuse sur ses œufs. » Fritz, « certainement non, mon cher père. C'est le chacal de Jack qui l'a surprise dans son nid et qui lui a tordu le cou pendant que je tirais le coco au vol. Les œufs sont encore chauds, car je les ai enveloppés d'une espèce de filasse qui me vient des feuilles d'une plante presque semblable au bouillon blanc. Moi, c'est une production du Cap où l'on emploie la pellicule de ses feuilles et de sa tige à faire des bas et des gants. Les botanistes la nomment Buplevris gigantea. Nous pourrons la mélanger avec la fourrure des rats castors pour la fabrication de nos chapeaux. Franz, nous avons donc des rats castors à présent? Et d'où viennent-ils? Moi, je vous l'expliquerai, mais en attendant, vous pouvez en voir ici plus de 20 que votre frère Ernest vient d'abattre en bataille rangée. À ces mots, ils s'élancèrent vers la hutte où je les trouvai bientôt occupés à faire un échange amical des produits de leur chasse, tandis que la mère faisait cuire les œufs sur la cendre pour notre repas du soir. Bientôt, chacun se mit en devoir d'écorcher les rats qui étaient de la taille d'un lapin ordinaire. Les peaux furent salées avec soin, couvertes de cendres et étendues à l'air pour sécher. Quant à la chair, nos chiens eux-mêmes la refusèrent à cause de sa forte odeur de musc. Pendant le souper, les enfants me firent 1000 questions sur la cause de cette odeur de musc particulière à l'Ondatra et sur le parti qu'on en pouvait tirer. Moi, cette odeur provient généralement de glandes situées entre cuir et chair dans les régions ombilicales. Elle est peut-être utile à ces animaux, soit pour se retrouver plus facilement entre eux, soit pour attirer leur proie avec plus de sûreté. Cette dernière hypothèse peut être juste à l'égard du crocodile, car le musc est une excellente amorce pour le poisson. Ernest, est-ce que le crocodile sent le musc? Je ne l'avais jamais entendu dire. Moi, pas aussi fort que la civette, mais assez pour être rangé au nombre des animaux odorants. Fritz, connaît-on une grande quantité de ces animaux? Et la membrane odorante occupe-t-elle chez tous la même place? Moi, les espèces odorantes sont nombreuses, et presque toutes les glandes se trouvent près de la région de l'anus. Le castor produit le castoreum, que la médecine emploie dans le traitement des maladies nerveuses. La civette possède les mêmes propriétés, mais l'animal de ce genre le plus généralement connu est le musc qui porte sa poche odorante au-dessous du nombril. Fritz, l'odeur de la civette est-elle la même que celle du musc? Moi, je ne saurais l'assurer, mais dans tous les cas, la différence ne doit pas être bien grande. Fritz, par quel procédé parvient-on à se procurer ces parfums? Moi, en général, l'animal qui les porte les livre au chasseur avec sa vie. Il faut excepter toutefois la civette et la genette, qu'on est parvenu à apprivoiser, principalement dans le Levant et en Hollande. Pour extraire le musc, les Hollandais se servent d'une espèce de petite cuillère qu'ils introduisent dans la poche odorante de l'animal. Pour cette opération, ils enferment l'animal dans une cage, l'attirent vers les barreaux, le saisissent par la queue ou par les membres inférieurs, et dans cette posture, il est facilement dépouillé de sa possession. L'opération se renouvelle généralement tous les 15 jours. Quant au produit qui peut équivaloir à un quart d'once, il est versé dans un récipient de verre, et lorsque la provision est assez considérable, on la livre au commerce. Franz, il faudra apprivoiser une civette si nous en rencontrons. Je lui ferai l'opération des Hollandais. Moi, sans doute, il ne restera plus qu'à l'enfermer dans le poulailler, car cet animal est grand amateur de volailles. Ernest, c'est pour cela que j'aimerais mieux un musc qui ne se nourrit que d'herbe et de mousse. Moi, il faudrait savoir si l'herbe de tous les pays a la propriété d'engendrer le musc. Fritz, est-on parvenu aussi à apprivoiser le musc pour le dépouiller de son parfum? Moi, non, je ne le crois pas. Cet animal porte son parfum dans une poche de la grosseur d'un œuf située au-dessous du nombril. Cette poche, percée de 2 ouvertures, contient une matière huileuse et colorée, semblable à des grains noirâtres. Lorsque l'animal est mort, on l'écorche en détachant la poche odorante que l'on fixe fortement dans la peau. Cette dernière précaution semble destinée à prévenir toute fraude et toute altération du parfum. Un magistrat préside à l'opération, et lorsqu'elle est terminée, il appose son cachet sur les peaux. Toutefois, il n'est pas rare de voir cette surveillance déjouée par l'habileté des fraudeurs, qui savent pratiquer des incisions dans la membrane et s'en approprier le contenu. En conversant ainsi, nous étions parvenus à la fin de notre repas lorsqu'Ernest s'écria en soupirant. « Il nous manque un bon plat de dessert pour remplacer le cabiai de Franz. » À ces mots, Jack et Fritz coururent à leur gypsière et firent paraître sur la table des trésors dérobés jusque-là à tous les regards. « Tiens, » dit Jack, en plaçant devant son frère une magnifique noix de coco et quelques pommes d'une espèce inconnue, d'un vert pâle et dont le parfum se rapprochait de celui de la cannelle. Ernest perdit enfin contenance, tandis que les enfants couraient çà et là en se frottant les mains avec une joie malicieuse. « Bravo, mes enfants » m'écriai-je. « Mais quels sont ces nouveaux fruits? Est-ce un ananas que Jack nous apporte? Avez-vous goûté cette nouvelle production ?»« Jack, non vraiment, quoique j'en eusse bonne envie. Mais Fritz m'a conseillé d'attendre que Maître Knips nous eût donné l'exemple, vu que ces belles pommes pourraient bien être le fruit du mansonnillier. » Je louai hautement la prudence de Fritz, mais en ouvrant une des pommes, je reconnus clairement qu'elle n'avait aucun rapport avec le fruit du mansonnillier qui ressemble à nos pommes d'Europe et renferme une pierre au lieu de pépins. D'ailleurs, leur grosseur et leur parfum ne permettaient pas de douter plus longtemps. Pendant que j'expliquais ces détails sur la première moitié de la pomme, le friand Knips, qui s'était glissé à mes côtés sans être aperçu, s'empara de la seconde et sa grimace de satisfaction ne nous laissa aucun doute sur le goût de notre nouvelle découverte. Fritz m'ayant fait quelques questions sur la nature et le nom de ce nouveau fruit, je lui répondis que je croyais le reconnaître pour la pomme cannelle et que dans ce cas c'était une production des Antilles. Je demandai à Jack si l'arbre qu'il apportait était un arbuste. Jack, en bâillant. « Un arbuste ? Oui, oui, certainement. Mais j'ai une terrible envie de dormir. » Je ris de bon cœur à cette répartie et chacun alla suivre l'exemple du dormeur. Nous passâmes la nuit étendus sur nos sacs de coton jusqu'à ce que l'aurore du jour suivant vînt nous éveiller.